Americano. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Un incendie qui s'est déclaré non loin de notre station a fait plus de peur que de mal. Les sapeurs-pompiers ont été rapides dans leur intervention pour éteindre ce feu qui a consumé les câbles d'une antenne de la société de télécommunication Econet Léo. Au chapitre agriculture, on parlera du manque d'engrais chimiques en Ngozi. La population marque du retard pour la saison culturelle baie. Et Amgaro, ce sont les semences qui font défaut. Reportage à suivre. Avec 55 milliards de francs burundais de démarrage, la société pétrolière du Burundi Sopebu n'a reçu que moins de la moitié du capital prévu pour importer du carburant. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie ce mardi lors de la remise et reprise entre le directeur général sortant et l'entrant. Dans la chronique « Parlera sur moi », un socio-anthropologue nous expliquera le mécanisme de propagation des messages de haine ethnique avec en toile de fond la guerre en cours en République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un montant de démarrage de 55 milliards sur les 120 milliards de francs burundais prévus comme capital de la société pétrolière du Burundi Sopebu lui a été donné par le gouvernement pour importer du carburant. Propos tenu par le ministre de l'Énergie ce mardi lors de la remise et reprise entre le directeur général sortant Innocent Gilukwishaka et l'entrant Samuel Ndayisenga. Ibrahim Ouizeye rappelle que la Sopebu a été créée pour décharger la régie des eaux, dont la mission est de fournir l'eau et l'électricité, non d'importer du carburant. Suivez-le. Lorsqu'on a créé la Sopebu, il a fallu qu'on envisage comment le carburant soit disponibilisé dans notre pays, le Burundi. Avant, c'était organisé comme cela. Le pays donnait de l'argent aux sociétés importatrices qui avaient le droit d'importer du carburant au Burundi. Si je ne me trompe pas, ils étaient entre 5 et 6 ou 7. On leur donnait des devises pour qu'ils importent du carburant. On s'est rendu compte qu'il y a des sociétés qui retiraient des devises mais qui importaient le carburant qui ne correspondait pas à ce montant. Malgré l'effort fourni par le gouvernement, on perdait énormément. Certains ont été exclus de la liste. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait mettre en place une société pour importer le carburant pour que les Burundais puissent continuer à se déplacer et aussi à vaquer à leur occupation. Le gouvernement a donné un capital à la régie des eaux pour nous épauler. Nous avons remarqué que la régie des eaux avait une grande tâche, notamment dans la distribution de l'eau et du courant électrique. On a trouvé qu'elle ne pouvait pas combiner les deux tâches. On s'est dit, nous allons créer une société qui pourra importer le carburant uniquement. Nous avons retiré l'argent donné à la régie des eaux et nous l'avons octroyé à la Sopebu. Nous nous sommes convenus de donner à cette société un capital de 120 milliards pour bien fonctionner et faire du stock, mais nous leur avons donné 55 milliards pour débuter leurs activités. C'était le ministre en charge de l'énergie, Ibrahim Ouizeye. Seulement 40% d'engrais chimiques nécessaires en province Ngozi pour cette saison culturelle B sont arrivés dans cette province. Annonce faite par le fournisseur de ces fertilisants dans cette province, Gilbert Manilakiza. C'est au moment où les agriculteurs se lamentent qu'ils affichent un retard de semis à cause du manque de ces engrais. Conséquence, le prix de ces engrais a fortement grimpé, passant du simple au double, voire plus, sur le marché noir. Apollinaire Muzagara. Cet agriculteur d'Ngozi dit qu'il se présente tous les jours devant différents entrepôts à la recherche des engrais chimiques et rentrent bredouille. Parmi eux, ceux qui ont payé pour 5 sacs et plus, mais qui n'ont reçu qu'un seul sac, d'où de l'amantage. Chidiberman et Lakiza, fournisseur de ces fertilisants en Ngozi, dit qu'il a déjà acheminé dans cette province 40% des fertilisants attendus et indique que ces agriculteurs seront approvisionnés en fonction de la disponibilité de ces produits. Ces agriculteurs parlent d'un retard dans le semis, car bon nombre d'eux sèment le haricot volubile à grande période de maturité, d'où ils demandent d'être servis le plus tôt possible. Suite à cette pénurie de fertilisants, le prix a fortement augmenté. Un kilo d'engrais dit Imbura, qui coûtait 2000 ou 2500 francs, s'achète actuellement à 4000 au marché noir. Quant à l'urée, un kilo est aujourd'hui à 6000 francs. Cette situation pousse certains à s'aimer avec seulement de la fumée organique, d'autres même sans fumée. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Cap maintenant sur Mwaro, où la cherté des semences sélectionnées sur le marché oblige les agriculteurs des différentes collines des communes Guissosi et Kayokwe en province Mwaro à recourir aux semences économisées à partir des récoltes des saisons écoulées. Marc Bachanamo, secrétaire général du collectif des producteurs de semences du Burundi, indique que la multiplication des semences, plus particulièrement celle de la pomme de terre, a subi les effets du changement climatique. À la direction provinciale de l'agriculture à Mwaro, l'on rassure que les quantités nécessaires de semences sont disponibles. Omer Ndouayo. Ces cultivateurs disent que les semences sélectionnées sont disponibles au marché, mais qu'elles sont très chères. Les semences sélectionnées sont disponibles au marché, mais elles sont très chères. Nous achetions un kilo de semences de haricots à 2500 ou 2700 francs bout l'année passée. Aujourd'hui, c'est 3500 francs. Le kilo de semences de pommes de terre s'achète à 4000 francs. Ce n'est pas moindre. Nous sèmons des semences non germées que nous avons gardées sur nos récoltes. La problématique de la multiplication des semences a affecté essentiellement la culture de la pomme de terre. Marc Bachanamo, le secrétaire général du collectif des producteurs des semences au Burundi, explique que la cause de cette situation est le retard des précipitations lors de la saison culturelle A. Nous avons vraiment un problème de semences pour la qualité de la pomme de terre. Un problème qui a été causé par l'arrivée tardive des pluies en saison culturelle A. Beaucoup d'entrepreneurs semenciers ont planté vers le mois d'octobre. Et comme la qualité de la pomme de terre a un cycle végétatif d'au moins 4 mois, et vous sentez qu'on a commencé la récolte vers ce mois de janvier. Et la récolte va s'ampler pour ce mois de février. Et on poursuit la récolte vers le mois de mars. Sentez que pour cette saison, on aura un problème d'avoir des semences germées qui pourraient fournir d'autres semences pour la saison culturelle, saison C. Pour d'autres cultures telles que le haricot, je dirais qu'il n'y a pas un problème de la semence de haricot puisqu'on utilise des semences de haricot récoltées l'année passée. Et pour d'autres cultures telles que le blé, il n'y a pas aussi un problème, ainsi que le soja, qui sont ces cultures qui sont pratiquées pour la saison culturelle B. Les conséquences sont parlantes, donc on n'aura pas de la semence pour la saison culturelle 2026A. Nous essayons de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour que on songe à ce qu'on fasse de l'irrigation pour ceux qui ont des terrains qui pourront être irrigués. Liberzo Kiranevier, directeur chargé de l'agriculture en province Mwaro, tranquillise que les cultivateurs seront approvisionnés en semences sélectionnées. Au niveau des semences, on a besoin d'environ 7000 tonnes de pommes de terre. Il n'y a pas de problème. À ce qui concerne les semences de haricots, dans les prévisions, nous avons une quantité d'environ 700 tonnes de semences de haricots. Ça aussi, il n'y a pas de problème parce que chez les multiplicateurs de semences, nous en avons autant. Au niveau des autres semences, par exemple le blé, les demandes exprimées ont été multipliées par deux au niveau des fournitures. Pour dire que là aussi, nous n'avons pas de problème. Selon Marc Bachanamo, le secrétaire général du collectif des producteurs de semences au Burundi, la province Mwaro compte près de 30 multiplicateurs de semences sélectionnés. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, un incendie s'est déclaré le matin de ce mercredi dans la galerie Blessing Market, située à l'avenue de l'Amitié, non loin de notre station. Ce feu a attaqué l'antenne de la compagnie de télécommunications Econet Léo, brûlant les câbles à partir de la batterie qui les alimente, sans faire d'autres dégâts selon le veilleur. Posté à cet endroit, les sapeurs-pompiers sont vite intervenus pour l'éteindre, ce que tout le monde a apprécié. Ceux qui exercent différentes activités à cet endroit demandent que ces antennes soient installées dans des espaces non habités pour éviter des accidents. Ariela Chimirimana. C'est à la Galerie Blessing Market située à l'avenue de l'Amitié où s'est déclaré un incendie qui a brûlé les câbles qui se trouvaient sur l'antenne de la compagnie Econet Léo. Selon le veilleur de cet endroit, cela est dû à une des batteries explosées. Quand il y a eu coupure des courants, j'ai été obligé d'allumer le groupe et les batteries interviennent quand il n'y a pas d'électricité. À ce moment, quand j'ai allumé le groupe, une des batteries s'est explosée et a brûlé les câbles de l'antenne. Le feu a touché les câbles, ce qui a causé l'incendie sur l'antenne. Certains de ceux qui exercent les activités près de cet endroit disent que l'implantation des antennes dans les lieux où vivent les gens pourrait entraîner des accidents et demandent que ces antennes soient implantées loin des habitations. C'est inquiétant et c'est dommage de voir l'incendie qui s'est produit à partir de l'antenne de Léo parce que ça ne devait pas être le bon emplacement de l'antenne à côté des gens, à côté des activités qui se font tous les jours, à côté du monde qui se réunit chaque jour, chaque matin pour réaliser son activité. Ça devrait vraiment être éloigné des gens pour éviter les dommages humains et matériels. Et je remercie le bon Dieu vraiment qui a donné la rapidité à l'équipe pour intervenir à temps. La police a intervenu à temps et on a dû arrêter l'incendie avant que les dégâts humains matériels se produisent. Je demande une chose, que l'État intervienne au moment de l'implantation de ces antennes pour que ces antennes soient éloignées des gens. Un agent anonymat de l'Econet Léo a dit que c'est regrettable de voir l'accident et promet d'améliorer les techniques de protéger leur matériel. Dans cette galerie Blessing Market, il n'y a pas d'autres objets touchés sauf les câbles de l'antenne de l'Econet Léo qui ont pris feu. Certains commerçants et acheteurs fréquentant le marché de Kamenge en commune Nhangwa de la mairie de Bujumbura se disent préoccupés par la carence d'eau dans ce marché. Ils disent qu'ils peuvent passer deux semaines sans voir une goutte d'eau dans les robinets. Difficile dans ces conditions d'utiliser les installations sanitaires sans les nettoyer. Ils demandent à la régie des eaux d'inscrire dans ses priorités l'approvisionnement en eau à cet établissement public pour préserver la santé de la population. Un reportage de Clovis Nyonguru. Selon les commerçants et acheteurs qui fréquentent le marché de Kamenge, la question de manque d'eau dans ce marché ne date pas d'aujourd'hui. D'après eux, l'eau ne devient disponible que quelques heures pendant la semaine. Il y a un moment où nous avons de l'eau dans une durée ne dépassant pas une heure. Nous pouvons même passer toute la journée sans avoir de l'eau et les gens cherchent de l'eau à boire, mais en vue. Les chargés de l'hygiène de leur côté disent craindre la propagation de maladies de mes salles. Ils expliquent qu'ils s'approvisionnent ailleurs dans les quartiers environnants pour effectuer des travaux d'hygiène. Par exemple, ici dans les latrines, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Nous nous approvisionnons ailleurs dans les quartiers, mais à un prix élevé. Ça nous dérange beaucoup. Ces commerçants et acheteurs demandent à la régie des eaux de garantir la disponibilité de l'eau dans son marché. Nous demandons à la régie des eaux de nous aider à disponibiliser de l'eau tous les jours. Le robinet de Santé Réunion, tenu par le maire de la ville de Bujumbura avec les propriétaires des galeries et les représentants des marchés à Bujumbura le 20 février de cette année, Jimmy Ratungiman a annoncé qu'ils allaient étudier comment utiliser l'eau de forage afin de résoudre le problème de l'eau dans les marchés. Et la violation des files d'attente, la fermeture à 21h des stations-service alors que des gens attendent d'être servis. Voilà quelques défis que rencontrent les transporteurs prestants à mairie de Bujumbura lors de la distribution du carburant. Ceux qui se sont entretenus avec notre reporter dans le centre-ville de Bujumbura demandent au nouveau directeur général de la SOPEBU, entré en fonction ce lundi, de faire tout son possible en vue de vider ces questions. C'est un micro-baladeur de la rédaction. Les défis auxquels nous faisons face, nous les taximen, sont liés aux files d'attente. On peut être là à 17h et le carburant est fini. À 21h, on ferme les stations-service comme c'est l'ordre qui leur sont intimés. Nous devons laisser garer la voiture parce que si une fois on la lève, c'est pas nécessaire qu'on retrouve la place. Le deuxième défi, c'est que le matin, il y a des voitures de personnes VIP, des voitures appartenant au haut cadre et celles de la faire promenade qui ont une file particulière. Nous demandons au nouveau directeur de la Sopebu d'ordonner aux propriétaires des stations-service de suivre la ligne pour que toute personne qui est présente soit servie. Imaginez passer des jours à la station et ne pas avoir du carburant, c'est de l'injustice. Nous avons un problème dans nos plaques d'immatriculation qui doivent être servies uniquement jeudi et dimanche, alors que dimanche, il n'y a aucune station qui sert du carburant. Ces plaques commencent par le chiffre 6, 7, 8 et 9, c'est-à-dire qu'une fois que le jeudi passe sans avoir du carburant, tu attends forcément l'autre jeudi. Si une fois quelqu'un a passé la nuit à la station et n'a pas été servi, se rendre service, c'est vrai, mais il faut ne pas exagérer, parce que c'est désolant de ne pas être servi alors qu'il n'y a passé beaucoup de temps. Le problème est qu'aujourd'hui, on amène 5000 litres au lieu de 10 000. Les voitures qui attendent sont nombreuses. Il y a celles qui passent par les lignes VIP et sont servies avant les autres, moyennant un pot de vin. Quand on est en train de servir du carburant, on ferme les stations à 21h, alors qu'il y a toujours des véhicules qui font la queue. On demande de servir jusqu'à minuit et assurer la sécurité pour que tous les véhicules soient servis. Parle, rassure-moi. Les messages de haine ethnique qui se propagent au Burundi suite à la guerre en cours en République démocratique du Congo découlent des similitudes établies entre la composition ethnique des belligérants et celle de la société burundaise. Explication du socio-anthropologue Tarsis Bimenyimana sur base des témoignages donnés par certains habitants de la colline Yanza en zone Rugazi de la commune Kabarore dans la province de Kayanza. Ce qui ne manque pas de compromettre la paix sociale selon l'administrateur de cette commune. Cet anthropologue appelle cette population à rester unie car lorsque la guerre éclate, chaque ethnie en subit les conséquences. Cette chronique parle Rassure-moi et signée Ornella Mucho. Certains habitants de la zone Rugazi en commune Kabarore de la province Kayanza affirment qu'il y a propagation des messages de haine ethnique au Burundi suite à la guerre qui se déroule à l'est de la RDC. Ils indiquent qu'ils ont peur que cela peut aggraver des tensions régionales et provoquer de nouveau des conflits ethniques au Burundi. L'administration de la commune Kabarore, Venance Agouye, indique que leur rôle est de veiller à la bonne cohésion sociale afin de préserver la paix sociale. L'analyse du socio-anthropologue Tarsis Mimana est que la guerre qui se déroule à l'est de la RDC est principalement liée au contrôle et à la gestion des ressources naturelles, mais que cela a été orienté vers la guerre ethnique pour manipuler la population. Et elle indique que cette guerre peut s'étendre jusqu'au Burundi parce que ces deux pays ont deux compositions ethnique similaire. Nous sommes dans la sous-région. D'abord, nous sommes un pays limitrophe du Congo. Et encore, nous avons une armée qui est allée au Congo, bien sûr invitée par les autorités habilitées. Le président, le gouvernement reconnaît et il a invité son homologue burundais, son excellence le président, pour intervenir. Mais le problème, c'est que nous sommes limitrophes et que le peuple, les différentes sortes d'ethnies que nous avons au Burundi, sont presque les mêmes de ces différentes sortes d'ethnies. En RDC, on les appelle les tribus. Ce sont les mêmes tribus qu'on trouve à l'est du Congo. Et là, bien sûr, nous avons la guerre entre le M23 qui est représenté par les Banyamulenge. Mais Mulenge, c'est une colline, disons simplement, les Batutsi. Et nous avons aussi les Batutsi ici au Burundi. Ce qui pourrait provoquer aussi un problème trans-pays entre le Congo à la population. Pour restaurer la stabilité régionale, il propose d'aborder les problèmes qui ont incité à la violence. Le message de haine n'avantage personne, c'est toujours nous. À la fois, les mêmes tribus, que ce soit la tribu qui propage son message de haine, elle risque aussi d'être victime de son message. parce que chaque tribu parle d'autres plans défensifs. Les autorités certaines, bien sûr, aimeraient utiliser ce message de haine ethnique pour atteindre leurs objectifs, surtout le contrôle de la richesse. Non, aux autorités, en bon leader, il faut utiliser un message rassembleur. Et ce message rassembleur favoriserait à la fois la population, à la fois aux autorités, de bien contrôler la richesse, qu'est-ce que la richesse nationale, la richesse régionale. D'une manière ou d'une autre, il y aura une entente. Puisque s'il y a une richesse du sous-sol à l'est du Congo, cette richesse pourrait être bénéfique à la fois pour la population du Burundi, pour la population du Congo et pour la population du Rwanda. Tarsis Mignimana conseille la population de ne pas prêter oreille attentive à ces messages de haine, tout en soulignant que d'une certaine manière, les conséquences sont souvent communes. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.